ce sera peut-être le dernier mot, le dernier son de la dernière syllabe. Elle se fondra dans une brume épaisse, dans des coulées de pluie et de sueur. La pure note faible et douce. Peut-être un oiseau caché qui chante éternellement pour l'aimer au visage de lune. Quand le cortège des songes se dissipe dans la brise ténue, ployant les tiges du margousier, les feuilles ciselées de l'arbre mât, vers la rivière, au sourire de statues.